C'est que, avec ton ami, que t'avais vraiment, vraiment pas envie. Non, c'est pas ça. C'est que t'avais. Il y avait un ennui que t'avais vraiment, vraiment pas envie. C'est. Là là là là là là là là là là.